Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité, mais aussi et surtout de poursuivre l'animation d'un tel lieu de discussion et de réflexion, et ce malgré l'essoufflement des résistances universitaires, en France du moins, parce que vous savez peut-être que le dernier trimestre 2010 a été très agité chez nos voisins européens, au Royaume-Uni, ça les médias s'en sont fait un peu l'écho, mais également en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Autriche, en Bulgarie, au Portugal, en Irlande. Partout, les étudiants ont manifesté principalement contre la hausse des droits d'inscription, mais plus généralement contre la précarisation des conditions d'études et des conditions de travail à l'université. Il me semble que face aux transformations profondes qui affectent le monde universitaire et scientifique depuis déjà une dizaine d'années et à marche forcée depuis 2005, les sciences sociales ont un rôle important à jouer pour éclairer les débats, pour construire une distance critique et, ce faisant, pour ouvrir le champ des possibles. Or, force est de constater que les professionnels de la réflexivité que nous sommes ont été tout autant, voire plus démunis que ceux de la santé, de l'éducation ou de la justice pour comprendre les offensives tous azimuts du gouvernement et pour y réagir. Les mobilisations universitaires ont certes produit beaucoup de discours analysant avec justesse la situation, mais apparemment, ces discours n'ont pas encore eu le temps d'infuser suffisamment pour guider nos pratiques locales et quotidiennes, puisque si ça avait été le cas, les appels à projets d'excellence auraient été collectivement boycottés, ne serait-ce que par intérêt bien compris. Bon, mais ce n'est pas le sujet, je ne vais pas me lancer ici dans une analyse contrefactuelle. En revanche, on peut tirer les leçons des mobilisations de 2008-2009, et la principale a été, à mon sens, la prise de conscience que les réformes engagées en France était structurelle, d'une part, et globale, d'autre part. Globale en deux sens, géographique et sectoriel. Ce qu'il est devenu courant d'appeler la révolution de la qualité concerne toute l'Europe, mais aussi les autres continents. Il ne faut pas oublier que le processus de Bologne est un produit qui s'exporte. Il s'exporte notamment en Asie, en Amérique latine et en Afrique, et ce, au plus grand profit des boîtes privées qui sont les seules à pouvoir se mettre aux normes bolognaises. Aux États-Unis aussi, c'est depuis les années 90 que les universités subissent la montée en puissance de la culture managériale de l'audit, de la standardisation et de l'évaluation comparative, qui est pour nous comme pour eux, comme pour nos collègues états-uniens, une culture étrangère à leur ethos académique et qui a aussi suscité des résistances là-bas. Cette révolution est aussi globale au sens où elle est transversale. Elle touche tous les secteurs d'activité où les formes organisationnelles donnent prise à la discipline managériale. Elle trouve donc un terrain propice dans nos laboratoires, dans nos universités, mais aussi dans nos écoles, nos hôpitaux, notre sécurité sociale, nos prisons, même notre armée, évidemment nos palais de justice, etc. D'où l'intérêt à mes yeux d'un séminaire comme celui-ci, poursuivre le travail de fond consistant à prendre du recul pour mieux apercevoir le tableau d'ensemble qui se dessine de plus en plus distinctement. Je dois vous avouer que lorsque j'ai engagé mon travail de thèse évoqué en introduction, en 2000 ans, sur ce truc bizarre qu'est le benchmarking, c'est-à-dire ce machin qui consiste à quantifier des indicateurs de performance, à fixer des objectifs chiffrés, à comparer les résultats obtenus et surtout à les publier dans des palmarès, certains collègues ne donnaient pas cher de la pérennité de mon objet, une vulgaire mode managériale insignifiante vouée à refluer l'année suivante. Et ayant choisi d'étudier plus particulièrement le cas de l'espace européen de la recherche, j'avais alors du mal à convaincre que ce que je lisais dans la littérature grise de la Commission européenne ou ce que me confiaient mes interviewés, eh bien, tout cela aurait une traduction assez rapide dans les espaces nationaux. C'était l'époque où le CNRS apparaissait encore comme inébranlable et où l'université comme l'école paraissaient encore pour être des mammouths indécrottables. Bon, le benchmarking, ça faisait rigoler, plus maintenant. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir exactement là-dessus. Sur ces travaux, je me permets de vous renvoyer à un bouquin que j'ai publié aux éditions coopératives du Crocan en 2008, mais aussi, et bien sûr, aux travaux d'Annie Vinocure, de Christian Laval ou encore de Sandrine Garcia. J'aimerais attirer votre attention sur un autre enjeu. Mes recherches portent toujours sur le benchmarking, qui est donc une technologie managériale de gouvernement consommant et produisant beaucoup de chiffres. Mon approche s'inscrit dans le cadre d'une sociologie de la quantification, comme cela a été rappelé, cadre qui a été notamment posé par Alain Desrosières, avec qui on anime toujours un séminaire sur les politiques des statistiques. Et pourtant, je me propose aujourd'hui de vous parler de qualité. En fait, vous allez voir qu'il n'y a pas antagonisme entre qualité et quantité dans le jargon managérial, bien au contraire. Qu'entend-on par qualité en management ? Il ne s'agit pas d'une valeur absolue dépendante d'une appréciation personnelle. La qualité managériale n'a rien d'une grandeur incommensurable. Elle charrie tout au contraire un ensemble de procédures, de certifications et d'outils métrologiques qui l'objectivent dans des codes, dans des indicateurs statistiques et dans des cibles chiffrées. Le benchmarking lui-même est une technique de gestion de la qualité qui consiste à rechercher en permanence ce qu'on appelle les meilleures pratiques, car la qualité est toujours saisie comme une valeur relative qui se définit toujours par rapport aux autres en termes de compétitivité ou en termes d'excellence. Dans une économie de marché mondialisée, la qualité est conçue comme un avantage concurrentiel qui ne repose pas dans le produit fini, mais qui dépend de toute la chaîne de production. Gérer la qualité ne se résume donc pas à vérifier que le produit final n'a pas de défaut technique. Au contraire, c'est une démarche englobante, c'est une démarche sociale qui concerne tout le collectif de travail, son organisation, ses membres, aussi bien les managers que les exécutants, et leurs relations. Songez par exemple au cercle de qualité. Toutes les activités, opérationnelles ou fonctionnelles, sont réduites à un processus tourné vers le client, y compris le client intermédiaire, c'est-à-dire celui à qui est destiné le produit d'une activité en interne, que ce soit un composant matériel ou un rapport comptable. Cette orientation client est précisément ce qui justifie l'exercice d'une discipline indéfinie, d'un effort sans relâche pour toujours faire mieux et tendre au meilleur, comme si une pression concurrentielle s'exerçait sur chaque opération et sur chaque opérateur. La démarche qualité, c'est une course sans ligne d'arrivée. La métaphore n'est pas de moi, mais de David Kearns, le patron de Xerox, qui a fait de cette firme un modèle de management de la qualité aux États-Unis dans les années 80, puis qui a été nommé ensuite secrétaire au département d'État pour l'éducation par Bush père pour y appliquer les mêmes recettes, entre 91 et 93. Je vous donne cet exemple car c'est actuellement mon terrain d'enquête sur le benchmarking, mais il y en aurait beaucoup d'autres, évidemment. Dans nos milieux, milieux universitaires, on se moque volontiers de l'usage excessif du terme qualité, qui, avec les notions d'innovation, d'excellence ou d'internationalisation, compose une sorte de novlangue à la Orwell. Mais, j'insiste, il ne faut pas s'y tromper. Il ne s'agit pas que d'un accessoire rhétorique. Le management de la qualité a marqué un tournant dans la façon d'organiser la production. Il s'est substitué progressivement au productivisme fordiste et à la gestion scientifique taylorienne dès les années 50 au Japon, à partir des années 70-80 aux États-Unis, puis dans les années 90 en Europe. C'est donc un mode de gouvernement qui a transformé les pratiques organisationnelles dans l'entreprise industrielle, mais pas seulement. Ce mode de gouvernement peut tout aussi bien s'exercer, et de fait, il s'exerce dans les administrations publiques, les associations, les organisations non gouvernementales ou encore les organisations internationales. Et ce, quel que soit leur domaine d'activité, activité économique, sociale, environnementale, humanitaire, activité évidemment éducative ou scientifique. Ce qu'on appelle en bon français le Total Quality Management, TQM pour les intimes, est une façon totalitaire de conduire l'action collective et d'administrer les organisations sociales. Et j'emploie l'adjectif totalitaire non pas par provocation, mais littéralement pour qualifier son ambition d'englober la totalité des éléments d'une organisation donnée et la totalité des organisations humaines. D'où l'image de l'iceberg que j'ai choisie pour le titre. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'explorer avec vous toute la partie immergée de l'iceberg, puisqu'il nous faudrait remonter au moins à la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous conduirait aux États-Unis et au Japon, d'abord dans l'industrie d'armement, puis dans le secteur automobile, dans le secteur électronique, mais aussi dans le secteur hospitalier. Pour aujourd'hui, je vais me contenter de planter quelques jalons pour repérer les acteurs et les dispositifs qui exécutent le mot d'ordre de la qualité dans l'enseignement supérieur à la recherche en Europe. Et vous allez voir que ce seul aspect nécessite une bonne demi-heure, bien dense. Il y a trois points d'entrée pour sonder les eaux glacées dans lesquelles on est en train de plonger. Le processus de Bologne, l'OCDE et l'Union européenne. On va commencer par le processus de Bologne. Comme vous le savez, comme cela a été rappelé, le processus de Bologne compte 47 pays participants sur tout le continent européen au sens large. C'est une initiative interministérielle qui a été prise hors du cadre de l'Union européenne, mais qui inclut quand même la Commission européenne parmi ses membres avec les 47 États, et s'y ajoute 8 membres consultatifs, à savoir le Conseil de l'Europe, le Centre européen pour l'enseignement supérieur de l'UNESCO, l'Association des universités européennes à laquelle appartient la CPU, c'est-à-dire la Conférence des présidents d'universités françaises, l'Association européenne des institutions d'enseignement supérieur professionnel, ERH, dont le membre français est l'Assemblée des directeurs d'IUT, le syndicat des étudiants européens, ESU, le patronat européen Business Europe, depuis 2005 seulement l'International de l'éducation, qui représente les personnels, et enfin l'Association européenne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, dont l'acronyme est ENQA, parce qu'avant c'était le European Network for Quality Assurance. Cette ENQA est financée par la Commission européenne et elle compte parmi ses membres français, notamment l'ARS, Agence pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. L'ENQA est la cheville ouvrière d'un des chantiers ouverts en 1999, comme cela a été rappelé, par le processus de Bologne. Dans la déclaration inaugurale, déjà citée précédemment, figure en effet parmi les priorités du processus de Bologne la promotion de la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité en vue de développer des critères et des méthodologies comparables. Cette coopération en matière d'assurance qualité est pilotée par le groupe E4, prononcé E4, dénommé ainsi en référence aux initiales de ses quatre membres, ENQA, EUA, ERH et ESU. Sont donc représentées les agences qualité, les employeurs et les étudiants. Si vous avez l'impression qu'il manque un acteur pourtant en première ligne, vous avez raison, hein, puisque vous aurez remarqué que les personnels ne sont pas représentés dans ce groupe qui pilote pourtant ce chantier énorme, vous allez le voir. Il faut dire qu'on n'est pas très bon en lobbying, hein, les personnels, parce que les étudiants le sont beaucoup plus que nous. En 2003, les ministres des pays membres ont confié à ce groupe la tâche de se mettre d'accord sur un ensemble de critères, de procédures et de lignes directrices pour harmoniser l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, suivant le jargon du processus de Bologne. En 2005, l'ENQA a donc remis leur rapport, qui est devenu depuis une référence désignée par le sigle ESG pour European Standards and Guidelines, ESG. Vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces publications sont en anglais, sans traduction disponible, ce qui n'est pas anodin pour une entreprise de codification et de normalisation des pratiques organisationnelles dans l'enseignement supérieur et de fait dans la recherche. En l'occurrence, ce rapport propose la création d'un label et d'un registre européen des agences d'assurance qualité. Alors, ce registre, il est baptisé ECAR et il a effectivement été mis en place dès 2008. Il compte aujourd'hui 24 agences inscrites à travers l'Europe qui ont fait l'objet d'une évaluation externe indépendante pour vérifier leur conformité aux critères fixés dans le rapport ESG précédemment mentionné. Ce registre, il est censé non seulement conforter la confiance des étudiants dans les universités labellisées par ces agences et ainsi favoriser leur mobilité, mais il rend également possible le choix de l'agence d'évaluation par les établissements qui souhaitent se faire évaluer, se faire attester leur qualité. Bref, ce registre permet de libéraliser et de diversifier l'offre. Il ouvre ainsi la concurrence. Pour l'instant, s'agissant de la France, n'est inscrite dans ce registre que la Commission des titres d'ingénieurs, la CTI, mais l'ARS s'évertue actuellement à s'y faire inscrire. Je reviendrai là-dessus. Ce dispositif d'assurance qualité externe ne dispense pas les institutions d'enseignement supérieur et de recherche d'engager une démarche qualité interne. Cette démarche consiste à systématiser les pratiques de codification, d'évaluation, d'accréditation, d'audit, de benchmarking pour toutes les activités, qu'elles soient pédagogiques, scientifiques ou administratives. L'accent est tout particulièrement mis sur le développement d'une culture de la qualité présentés comme le corollaire obligé de leur autonomie. Je vous ai mis là un extrait d'un diaporama officiel sur ces questions. Alors, pour voir comment ces orientations européennes sont traduites au plan national, je vous propose d'étudier le cas français, tout en gardant à l'esprit qu'en la matière, notre monde universitaire a été jusqu'à présent le plus rétif à cette approche managériale que nos collègues européens subissent déjà depuis quelques années. Ce diagramme vous donne une idée de la prolifération de ces dispositifs qualité en Europe. Nos universités françaises sont en majorité dans les 16% des établissements européens n'ayant pas développé de démarche qualité, mais il faut évidemment être prudent dans l'interprétation de ces statistiques construites par l'EUA à partir d'une enquête auprès de ses membres, dans le but précisément de promouvoir l'assurance qualité comme une tendance nécessaire et inéluctable. Mais je vous l'ai quand même montré, parce qu'il me semble que ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, quant au CNRS, il n'est pas en reste. Il existe un réseau qualité en recherche destiné à sensibiliser les personnels et à inciter les unités à s'engager dans une démarche qualité. Et dans le numéro d'avril 2010 du journal du CNRS, vous avez peut-être remarqué cet article qui fait de la pub, la publicité pour la démarche qualité. On peut y lire que, je cite, « grâce à un changement de mentalité, les organismes de recherche français adoptent enfin un système de management de la qualité qui, dans une logique d'amélioration continue, rend leur organisation plus compétitive, plus fiable et plus transparente, ce qui donne confiance à leurs partenaires. » Lorsqu'on dit partenaires, ce sont les entreprises. En France, il y a deux têtes de pont de cette campagne européenne pour la qualité. C'est d'abord l'ARS. Je vous présenterai ensuite la CPU. L'ARS a été renouvelée en septembre 2010 comme membre de l'Association européenne pour l'assurance qualité, l'ENCA, qui a à nouveau d'ailleurs évalué à cette occasion les évaluations de l'ARS et qui a jugé qu'elle respectait ses critères de qualité. L'ARS a ainsi été soumise à un comité d'experts qui a conduit une évaluation externe, mais l'ARS a aussi procédé elle-même à une auto-évaluation de sa politique qualité, l'auto-évaluation étant en soi un critère de qualité. D'ailleurs, c'est une étape incontournable de la démarche qualité que l'ARS a engagée en son sein depuis 2009. Et si elle a engagé cette démarche qualité, c'est dans le souci de produire une évaluation de qualité, de la qualité des établissements d'enseignement et de recherche, des formations et des diplômes. Vous voyez qu'il y a une récurrence infinie des évaluations, une sorte de mise en abîme, hein, pour le dire plus prosaïquement, on se mord la queue. En octobre 2009, l'ARS a rendu publique une déclaration de politique qualité signée par son président Jean-François Desnaux, dont je vous lis un extrait. Je vous lis pas tout, hein, je vous donne la quintessence. L'ARS considère que la qualité de ses évaluations est essentielle pour assurer sa crédibilité et lui valoir la confiance de l'ensemble des parties prenantes. L'ARS applique l'ESG, c'est-à-dire les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur adoptées à Bergen en 2005 par les États membres du processus de Bologne. Dans ce cadre, elle s'engage à mettre en œuvre un système de management de la qualité, à améliorer de façon continue l'efficacité de ses méthodes et procédures. L'adhésion de toute la communauté à ce processus d'amélioration continue est un élément majeur de la démarche qualité de l'agence. Et suite à cette déclaration, l'ARS a élaboré un référentiel qualité qui a été publié en décembre 2009, donc c'est assez récent tout ça. Et ce référentiel énonce la ligne de conduite et les exigences qu'elle s'impose conformément au cadre européen. Alors, toute la partie 1 rassemble les caractéristiques du système de management de la qualité de l'ARS elle-même, en vue de son évaluation interne. La partie 2 expose les critères utilisés lors de l'évaluation du management de la qualité des établissements qui seront évalués par l'ARS. Cette annexe, en fait, je me suis embrouillée. Dans la partie 2, expose les critères utilisés lors de l'évaluation du management de la qualité des établissements par l'ARS. Donc ça, c'est pour les évaluations externes. Et il y a une annexe qui précise les caractéristiques du système de management de la qualité des établissements qui seront évalués par l'ARS. Et cette annexe est présentée comme un document ressource pour les établissements qui souhaitent réaliser leur auto-évaluation pour améliorer leur démarche qualité. Avec ce plan, vous voyez, on discerne bien la structure en abîme de ce référentiel et son double objectif, interne et externe. En interne, la finalité officielle de ce référentiel est de garantir la qualité, qualité qui est définie par l'ARS par trois critères, à savoir, d'abord, l'adéquation de l'activité de l'ARS aux attentes des parties prenantes, notamment les étudiants et les employeurs à qui sont destinés ces produits, hein, je cite, c'est-à-dire les produits de l'ARS, ce sont ces rapports d'évaluation. Autrement dit, ça, c'est ce qu'on appelle en jargon managérial le critère de la satisfaction du client. Deuxième critère, l'efficacité de son organisation. Et troisième critère, l'amélioration continue de ses évaluations. On a avec ces trois critères un décalque des objectifs assignés au management de la qualité dans le monde industriel. Et vis-à-vis de l'extérieur, si l'ARS a rendu public son référentiel et souhaite que les structures évaluées se l'approprient, c'est pour les conduire à adopter un certain nombre de principes et de pratiques organisationnelles. Les évaluations de l'ARS ne visent pas tant la qualité des recherches ou des formations que leur management, la manière dont les labos et les universités sont organisés. Et en cela, l'évaluation est avant tout, évidemment, une technique de gouvernement. Dans son plan stratégique 2010-2014, l'ARS va plus loin. L'ARS se déclare, l'ARS se conçoit comme le promoteur pour la France de la mise en œuvre des lignes directrices européennes pour la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et elle inscrit son action explicitement dans les perspectives tracées par le processus de Bologne. Elle entend non seulement jouer un rôle actif dans l'association des agences européennes, ENCA, mais aussi elle entend obtenir son inscription dans le registre européen ECAR, dont je vous ai parlé au début. Et dans cette optique, elle se propose, je cite, « d'aider au développement de l'autonomie des universités par l'auto-évaluation, en faisant de cette auto-évaluation un requis pour l'évaluation globale des établissements, des formations et des unités de recherche, ainsi que des nouvelles structures fédératives, c'est-à-dire les LABEX et autres IDEX. » Cela est clairement mis en application actuellement avec la vague B de sa campagne d'évaluation. À l'occasion de son lancement, le président de l'ARS a déclaré que la mise en œuvre des recommandations du rapport ESG est d'une importance stratégique pour donner confiance et ainsi attirer les étudiants européens en quête de mobilité. Confiance et mobilité, ça c'est l'alpha et l'oméga d'un espace européen de la connaissance construit à l'image d'un marché efficient, comme le rappelait mon prédécesseur. Au-delà de la pétition de principe, les experts de l'ARS de la vague B ont eu pour consigne de se montrer particulièrement attentifs à la réalisation des documents d'auto-évaluation et à la mise en œuvre d'une démarche qualité au sein des établissements. L'ARS s'est aussi proposé de soutenir le déploiement des démarches qualité en diffusant son propre modèle de système de management de la qualité, qu'elle a même baptisé le SMQ, et en constituant une base de données, c'est peut-être le plus grave, une base de données synthétisant les dossiers et les rapports d'évaluation. Or, qui dit base de données ouvre la voie au benchmarking de toutes les entités évaluées, y compris les personnels. Y compris les personnels, car la loi confie aussi à l'ARS la mission de valider les procédures d'évaluation des personnels par les instances spécifiques que sont le Conseil national des universités pour les enseignants-chercheurs et le Comité national de la recherche scientifique pour les personnels CNRS. Et la loi lui a confié également la mission de rendre un avis sur les conditions de la mise en œuvre des évaluations des personnels. Donc, même l'ARS, c'est l'ARS qui dit cela, l'ARS avoue elle-même que cet examen sera de nature à inciter ces instances à conformer leurs pratiques et leurs critères d'appréciation aux siens. Bon, et alors, aux côtés de l'ARS, vous avez la CPU, qui se veut aussi à l'avant-garde de ces questions en France. ARS et CPU forment donc, pour la France, le couple moteur de l'implantation des dispositifs d'assurance qualité. Pour conduire tous les établissements d'enseignement supérieur à se convertir à ce type de management, un groupe de travail a été créé au sein donc de la CPU dans le but, je cite, de promouvoir la culture de l'évaluation et de la qualité. Ce comité qualité, il est présidé par Nadine Lavignotte, qui est la présidente de l'Université de Clermont-Ferrand. Concrètement, ce groupe est censé offrir aux établissements une instance d'échange et de réflexion qui les aide à formaliser leur démarche qualité et à conforter leur capacité d'évaluation interne. Et à cet effet, la CPU participe, et d'ailleurs elle organise elle-même, des événements de promotion de la qualité dans le cadre du groupe E4 ou IFOR. Et en tant que membre de l'UEA, la CPU a notamment accueilli en novembre dernier le 5e forum européen de l'assurance qualité à Lyon 1, qui est le fief de Lionel Collet, qui est alors président de la CPU. Si elle s'est portée candidate à l'organisation de cet événement, c'était pour, je cite, « marquer l'intérêt de l'ensemble des établissements français pour le sujet et consacrer leur émergence dans un débat où ils se singularisent jusqu'alors par leur extrême discrétion. Et à la tribune, c'était la première fois que la France s'exprimait, par le truchement de Lionel Collet, sur les raisons qui l'ont tenue à l'écart jusqu'alors du mouvement Qualité. Et ce retrait tient, selon Lionel Collet, à un obstacle de nature culturelle et sémantique au caractère univoque de la notion d'assurance qualité qui renvoie en France exclusivement au processus de certification, alors que l'acception européenne de quality assurance est beaucoup plus large. Mais grâce au RCE et à l'ARS, les universités françaises s'engagent aujourd'hui plus avant dans la qualité. Et dans le prolongement de ce grand raout, la CPU a organisé conjointement avec l'École supérieure de l'éducation nationale un séminaire sur la qualité qui a révélé la présence de plus en plus nombreuses de personnes dont la fonction ou la mission s'articule explicitement autour du management politique ou administratif de la qualité dans les établissements. Ce séminaire se voulait plus pragmatique que le grand forum. Il a consisté en des témoignages de terrain et en un échange d'expériences autour des trois grands chantiers ouverts sur la qualité, à savoir qualité des formations, qualité de la recherche, et ce qu'il est convenu d'appeler la qualité de la gouvernance, mais vous savez bien que la gouvernance, c'est le cache-sexe des enjeux de pouvoir et de la négation des instances démocratiques. Selon le compte-rendu de la CPU sur ces événements, il en est ressorti que la qualité est avant tout un mode de management stratégique et non pas un kit de recettes prêtes à l'emploi. Autrement dit, la démarche qualité doit faire l'objet d'une appropriation locale, devenir la clé de voûte du projet global de chaque université et enrôler toutes les parties prenantes. Au premier rang, évidemment, les présidents d'université et les personnels, mais aussi les entreprises, qui sont devenues, je vous le rappelle, des partenaires incontournables avec la convention cadre CPU-MEDEF qui a été signée en novembre dernier, et elle a été signée conformément aux orientations de la stratégie de Lisbonne, on y reviendra, et les étudiants. Alors, quel est le rôle des étudiants dans cette démarche qualité? Eh bien, les étudiants sont envisagés comme les clients finaux, ceux qui consomment les produits et services éducatifs, et un client de qualité, c'est un consommateur actif. Tout comme vous avez pu être sollicité pour répondre à des enquêtes de satisfaction en tant que client Bouygues ou que passager SNCF, eh bien, les étudiants vont répondre à des questionnaires sur les enseignements qu'ils ont consommés. Et je ne vous parle pas là d'une évolution probable, hein. C'est ce qui est en train de se mettre en place. D'après une enquête au niveau européen, une enquête a été menée à ce sujet par l'Association des universités européennes, et cette enquête révèle que 70% des membres, donc des universités européennes membres de l'AUE, utilisent déjà des évaluations par les étudiants. Et pourquoi faire? Eh bien, dans 90% des cas, pour évaluer le personnel enseignant, et parmi elles, déjà 5% rendent l'information sur les aptitudes et les performances des enseignants publiquement disponibles. En France, l'idée fait son chemin depuis 2-3 ans, comme l'atteste cette diapo extraite d'un exposé présenté par un expert de Bologne auprès du ministère. Dans le cadre là, c'est toujours un colloque organisé par la CPU à Lyon, d'ailleurs, en mars 2008. L'introduction ou la généralisation de l'évaluation des enseignements et donc des enseignants a été également recommandée par les experts de l'ARS dans les rapports d'évaluation, si bien que les établissements et les unités de recherche évaluées se sont engagés à y répondre. Exemple, Nancy 2 qui annonce qu'il est d'ores et déjà prévu une évaluation de chaque enseignement. Chaque enseignant devra, à la fin de son cours, distribuer un questionnaire aux étudiants en vue de recueillir leurs appréciations. Les responsables des diplômes feront la synthèse des résultats obtenus. Ou encore Paris 7, il convient de noter que plusieurs mentions utilisent depuis plusieurs années déjà des questionnaires d'évaluation anonymes détaillés. La procédure en sera généralisée à l'ensemble des UE fondamentales de toutes les mentions du domaine, avec un effet d'homogénéisation du contenu des questionnaires. Et puis, je ne résiste pas à vous donner mon université en exemple, puisque j'ai la chance d'avoir reçu ce courrier de mon président qui s'engageait à lier l'octroi des primes pédagogiques à l'engagement du bénéficiaire dans l'évaluation de ses enseignements. Je suis de Lille 2. Lille 2, c'est une université droit et santé. Autant vous dire que les primes enseignants, ça ne rigole pas. En 2009-2010, elles s'élevaient, tenez-vous bien, à 1 340 000 euros. J'ai les noms. Alors, un modèle de questionnaire électronique à faire passer aux étudiants nous a donc été proposé. En tout cas, il a été proposé aux enseignants qui briguaient des primes. Et si vous jetez un œil aux questions, vous voyez à quel point c'est subjectif. Hein, ce qui compte, c'est la perception de l'étudiant, la perception du consommateur, sa satisfaction personnelle. Sur l'intranet de l'université, on a aussi accès aux documents mis à notre disposition par la mission qualité, qui est une mission transversale créée, je cite, « pour apporter une aide concrète aux services en se basant sur les modèles reconnus en matière de management ». Donc, on nous a proposé ce questionnaire destiné aux étudiants, et la mission qualité nous propose aussi un glossaire de la qualité, dont voici un extrait éloquent, où l'on apprend que l'amélioration continue permet d'accroître notre capacité à satisfaire le client, et que le client principal est l'étudiant usager, et que le produit qu'il vient acheter est une action de formation. Alors, selon la présidence de l'île 2, qui définir une politique qualité, c'est s'engager à établir un système de management de la qualité. Dont acte, dans le dernier contrat quadriennal, elle reprend les recommandations de l'ARS. Qui sont elles-mêmes inspirées du référentiel européen, et ce, dans un langage très, vous voyez, très empreint de darwinisme social, avec l'idée que ne survivront que les universités excellentes, et que cette excellence procède d'une démarche qualité. Et l'exemple de l'île 2 nous permet ainsi de matérialiser ce que recouvrent concrètement ces notions qui restent très abstraites, les notions de démarche qualité ou de culture qualité, culture d'auto-évaluation. Donc, pour concrétiser tout ça, encore un extrait du contrat quadriennal. Moi, c'est ce qui m'attend. L'île 2 a largement pris conscience de la nécessité de s'auto-évaluer pour une action plus efficace. Elle s'est ainsi déjà largement engagée dans une démarche de gestion modernisée fondée sur une logique d'objectifs et d'évaluation. Ont été réalisées des enquêtes de satisfaction, des enquêtes d'évaluation, une certification ISO 9001. Il convient désormais de généraliser ce processus. Donc, je ne vous lis pas tout. Les mots-clés sont audits internes, évaluation des équipes, suivi annuel, commission interne, expertise bibliographique, dispositifs d'assurance qualité et d'évaluation, nouvelles procédures écrites, évaluation des enseignements, procédures, auto-évaluation régulière. Donc c'est une énorme machine bureaucratique qui se met en branle pour produire des indicateurs de performance, des tableaux de bord, des objectifs chiffrés, des évaluations qui impliquent, ces évaluations, vous le savez, cela implique des enquêtes et des questionnaires, la constitution de dossiers, la rédaction de rapports, et tout cela, on le sait, est terriblement chronophage. Alors, toutes ces bonnes idées n'émanent bien évidemment pas de l'équipe présidentielle de l'île 2. Elles lui ont été insufflées non seulement par l'ARS et par la CPU, mais aussi par l'OCDE. Parce qu'il se trouve que l'île 2, avec l'université de Pau, sont les deux institutions françaises à avoir participé à un vaste projet sur la qualité de l'enseignement dans le supérieur, conduit par le programme sur le management des établissements d'enseignement supérieur de l'OCDE, c'est l'IMHE. Et le but de cette étude, de cette vaste étude internationale qui a pris 3 ans, elle s'est déroulée de 2007 à 2010, eh bien son but était d'observer, je cite, les initiatives prises et les mécanismes mis en application dans les établissements participants pour faire avancer la réflexion sur les pratiques qui peuvent aider d'autres établissements à améliorer la qualité de leur enseignement et de ce fait la qualité de leurs diplômés. L'étude a aussi cherché à identifier des indicateurs de résultats et des benchmarks, c'est-à-dire des établissements, des modèles, des établissements obtenant les meilleurs scores au regard des indicateurs retenus et servant donc d'étalon quant aux pratiques et aux normes de management à adopter. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'OCDE, mais par manque de temps, je vais passer au troisième acteur clé qui, avec le processus de Bologne et l'OCDE, pousse dans le sens de la qualité managériale, j'ai nommé l'Union européenne. Je vais aller vite. Dans le prolongement logique de la stratégie de Lisbonne qui vous a été présentée, a été adoptée, parce que la stratégie de Lisbonne était une stratégie décennale, 2000-2010. Donc, dans le prolongement en 2020, a été adopté le programme Europe 2020, qui repose, comme la précédente, sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont baptisés croissance intelligente, croissance inclusive et croissance durable. C'est en anglais, toujours. On a donc un volet économique, un volet social et un volet environnemental. À l'ère du capitalisme cognitif, l'enseignement supérieur et la recherche relèvent évidemment du premier volet, le volet économique. Ils en constituent même le pivot, puisque l'économie européenne est pensée, on vous l'a dit, comme une économie de la connaissance, schématisée par le triangle du même nom, le fameux triangle de la connaissance. Donc, dans ce paradigme, les connaissances sont produites par les chercheurs. Elles sont distribuées, disons, par l'éducation, un peu comme un réseau de distribution, comme des grands supermarchés, et elles sont exploitées par les entreprises sous forme d'innovations brevetables et commercialisables. C'était déjà le cas dans la stratégie de Lisbonne. Ce triangle de la connaissance avait été opérationnalisé à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne en 2005. Avec Europe 2020, ce qui est intéressant, j'insiste là-dessus, c'est que la recherche a disparu. La recherche a disparu des intitulés. Dans les discours et les documents stratégiques de l'Union européenne aujourd'hui, elle a été entièrement subsumée sous la catégorie d'innovation. L'initiative phare en la matière n'est plus la construction d'un espace européen de la recherche, celui que j'avais étudié, mais d'une union de l'innovation à travers un plan européen qui vise, je cite, à stimuler et accélérer l'innovation en Europe tout en éliminant les obstacles qui empêchent les idées novatrices d'atteindre le marché. Dans le communiqué de presse qui annonçait le lancement de ce plan, le chapeau mentionne qu'il s'agit de permettre, de permettre au secteur public d'intervenir pour stimuler le secteur privé et pour lever les obstacles qui empêchent les idées d'accéder au marché. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair, c'est écrit noir sur blanc. À cette fin, il convient de créer des partenariats de l'innovation publique-privée afin d'accélérer l'entrée sur le marché des produits et services novateurs, nos idées. Enfin, pas les nôtres, parce que nous, on est peu rentables. D'où la création en France, par exemple, des SAT. Vous avez peut-être entendu parler des SAT, qui accompagnent les LabEx, IDEX et compagnie. C'est les sociétés d'accélération de transfert technologique. La Commission européenne va également publier, elle s'est engagée dans ce plan, à publier 25 indicateurs dans un tableau de bord de l'Union de l'innovation. Et elle soutiendra la création d'un système de classement indépendant des universités. Elle proposera aussi la création d'un régime de capital risque transfrontalier et elle va mettre à profit les fonds du 8e programme cadre, le 8e programme cadre de recherche et de développement, pour soutenir l'Europe de l'innovation, pour soutenir ce plan-là. Le deuxième pilier de ce vaste programme d'Europe 2020, c'est l'enseignement. Or, juridiquement, les politiques éducatives ne relèvent pas de l'échelon communautaire. En la matière, l'action de l'Union européenne est cantonnée dans les traités au développement de la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi qu'au soutien de la coopération entre États membres et entre établissements. Toutefois, l'objectif fixé par la stratégie de Lisbonne en l'an 2000, l'objectif donc qui était de transformer l'Union européenne en économie de la connaissance la plus compétitive du monde, eh bien cet objectif avait ouvert une fenêtre d'opportunité politique pour la Commission qui s'y est engouffrée. Donc depuis, elle se préoccupe d'éducation, pour notre plus grand malheur. Dans un premier temps, elle s'est contentée du rôle de bailleur de fonds du processus de Bologne. La stratégie Europe 2020 lui permet d'aller plus loin. Avec l'initiative intitulée « Jeunesse en mouvement », la Commission prévoit de construire un tableau de bord de la mobilité pour mesurer et comparer les progrès accomplis en matière de suppression des obstacles juridiques et techniques. Elle envisage aussi la création d'un système européen de prêts aux étudiants, de prêts financiers aux étudiants, et un système de classement international des universités, et ce afin de comparer les résultats des établissements d'enseignement supérieur entre eux et par rapport au reste du monde. Tout cela pour accroître la transparence du marché et permettre aux étudiants de choisir, en tant que clients, choisir au mieux leur établissement. Par ailleurs, la Commission a été officiellement chargée par le Parlement européen et le Conseil, donc nos ministres, de dresser un rapport en 2012 qui fixera des priorités pour, je cite, « améliorer l'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur au niveau européen dans un souci d'attractivité, de compétitivité économique ». Donc, de la stratégie de Lisbonne à Europe 2020, on peut observer deux évolutions majeures dans les orientations données aux politiques scientifiques et éducatives. D'une part, on peut observer un glissement de terrain qui a subordonné explicitement la recherche à l'innovation. L'objectif n'est plus de bâtir, je le répète parce que je trouve ça important, l'objectif n'est plus de bâtir un espace européen de la recherche, mais une union de l'innovation. Et il ne faut pas sous-estimer ici la force symbolique des intitulés affichés, qui sont ensuite traduits en mesures statistiques et en mesures politiques, c'est-à-dire en indicateurs, en objectifs statistiques et en décisions budgétaires et programmatiques. Et d'autre part, deuxième évolution importante, on est passé d'une coordination européenne des politiques nationales d'enseignement supérieur visant l'autonomie et la responsabilité gestionnaire des universités à un gouvernement de leurs pratiques organisationnelles, une fois la dite autonomie accordée. Et ce mode de gouvernement consiste à les engager dans des dispositifs bureaucratiques qui les passent au crible de grilles d'évaluation et de procédures de normalisation. Voilà. Donc, les institutions universitaires et scientifiques sont ainsi transformées en organisations productives, constituées d'un ensemble de processus gérables, dont le déroulement est paramétré et dont les outputs sont quantifiables et comparables. Toutes ces évolutions nous donnent à voir l'horizon vers lequel on tend. Elles n'ont évidemment rien d'inéluctable et elles sont toujours hybrides. Et il ne s'agit là que du modèle dominant, mais c'est celui auquel on peut résister, mais c'est quand même celui qui fait référence, qu'on s'y oppose, qu'on le contourne, qu'on l'ajuste au plan local, il fait référence. Voilà, donc il me semble que, tout comme notre ministre était fier d'annoncer que d'ici à 2012, elle aurait réparé les dégâts de mai 68, vous voyez qu'il aura fallu une lutte de 44 ans pour imposer leur modèle. Je crois qu'on a devant nous 44 ans de lutte à mener. Donc commençons à réfléchir au modèle à adopter.